petit message, mon amour, te dire que tout va bien. Il me reste 4 mois ou plus, t'inquiète, c'est vraiment rien. 23 piges au compteur, j'ai pas tout compris à la vie. 3 ans de zonzon, ma chérie, pour un lolo de Toshi. J'ai jamais tué personne, j'ai juste vécu trop vite. J'ai trop pris de raccourcis, j'ai trop souvent pris la fuite. Quand j'étais môme, je payais pas le bus, je voulais déjà tout niquer. Contaminé trop jeune par cette putain de mentalité. Jamais fiché grand banditi, juste un voleur de cave. Ma parole, toi-même, tu sais, j'ai jamais été une boucave. À 10 ans, je piquais les Milky Way au bureau de tabac. Les années passent, je fête mes 20 ans derrière les robots. Dis à la petite que je l'aime, son prénom sur mon cœur. C'est un pote de cellule qu'a voulu jouer les tatoueurs. Je t'en ai déjà parlé, j'ai jamais grand chose à lui dire. Au moins comme ça c'est bon, il m'empêche pas de dormir. Je pense tout le temps à toi, tu réveilles au sommeil. C'est pas nouveau, ouais ouais, tous les jours sont pareils. Il caille sa mère dans cette putain de tôle. C'est le bizarre dans ma tête, c'est pas tous les jours drôle. Je m'énerve tout seul, tu sais, coincé devant ma Xbox. Bloqué 24 sur 24 sur l'écran comme un tox. Les promenades j'y vais plus, et depuis belle lurette. C'est trop le même vice que dehors, j'ai eu ma dose en fait. Les Harbis dans un coin, dans l'autre les Gaori. C'est comme au quartier en live, de midi à minuit. Les hors la loi du CJD tiennent le pavé d'ailleurs. À coups de barrette, tête portable, les grands leur font plus peur. J'sais pas où je me situe, j'ai pas 20 ni 30. J'suis juste à cause de la rue, jugé et mis en attente. J'attends plus grand chose de qui que ce soit dorénavant. Tout ce que j'ai c'est toi, toi et notre enfant. Y'a un muslim dans la prison qui passe son temps à me seriner. Il s'est mis dans la tête que le Coran je dois étudier. Rien contre sa politique en fait, j'suis pas habitué à lire. Les bouquins sans images, ça a jamais été mon délire. Pour faire le mec occupé, je lui dis que j'ai d'autres chats à fouetter. Lui pense tout le temps à Dieu pour mieux se réinsérer. Chacun son truc, ma belle. Il faut bien se raccrocher à quelque chose, à quelqu'un. Arrêtez de gamberger. 4 minutes de douche par semaine pour se laver le corps. Faudrait un jour entier pour enlever cette odeur de mort. Pas prisonnier modèle. Moi je business pour survivre. T'appelais Ouinge, le K2R. Tout est bon pour que je m'enivre. Je suis buraliste par accident dans cette maison d'arrêt. Malboro contrebandé, ça me permet de cantiner. J'ai bouffé du mitard, j'aime pas trop t'en parler. J'ai juste vécu comme un kleps pendant 30 bonnes journées. J'ai dormi où j'ai pissé et j'ai mangé sur mon lit. Imagine la pauvre vie entre quatre murs transis. T'inquiète, joue pas les mesquines, plus grand chose à tirer. Jamais je veux voir le psy, j'aime pas m'apitoyer. Comment ça se fait qu'ici, eh ben on est tous des clones. Les mêmes sapes, les mêmes faces, tous les mêmes sales mômes. 5% de fils d'ouvriers à l'université, 1% de diplômés dans nos geôles délabrés. J'ai vite fait le calcul, t'inquiète, à mon avis c'est mal barré. Et c'est pas demain la veille que nos barreaux seront sciés. D'écouter à vrai dire, quand je tape le zap sur ma télé. Ma seule et vraie distraction depuis que je suis incarcéré. Les gouvernances pavanent à longueur de journée. Fausse facture, abus de confiance, ils sont jamais inquiétés. Je suis pas né de la dernière pluie, ni même du bon côté. Jamais connu mon père, qu'a dû opter pour se barrer. Ma rue m'a fait des ménages pour me donner à manger. Je piquais dans son larfeuille pour me payer des rebiers. Fils indigne que je me dis quand je mate ma face. Citoyen indésiré au sein de la populace. Ma mère était pas, tu le sais, du genre attentionné. Quand je portais des costelas ou des lovés à la sommée. Tu bosses pas, t'as vite compris comment se les procurer. Ma mère s'est toujours tue, se taire c'est acquiescer. Mais on refait pas le passé, t'inquiète, c'est clair, je vais changer. Maintenant je vous ai mes amours, c'est promis je vais me calmer. Jamais une sans deux, maintenant je saisis ma chance. Rendez-vous bientôt, je suis de retour dans la danse. Je vous embrasse enfin, toutes ces fois pour une. T'inquiète, à travers mes barreaux j'arrive à voir la lune. T'inquiète.